racine. La 2D magazine se chargera de notre cas. Et je n'aurai plus qu'à mettre des verres fumés pour montrer tout ce que je veux cacher. Le pull marine d'Isabelle Adjani sur RGM, 8h37, tout juste passé de quelques secondes, on parle maintenant anniversaire. Il sonnait un 27 juin et on va rester en musique puisqu'en 1942, c'était la naissance de Bruce Johnston, musicien-chanteur américain du groupe The Beach Boys, notamment connu pour le titre I Get Around, dont on écoute tout de suite un extrait. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Down the same old strip, I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, round, round, round, round. I get around. Voilà pour l'extrait des Beach Boys. On continue 1955, naissance d'Isabelle Adjani, actrice et chanteuse française. Vue dans La Gifle, l'histoire d'Adèle H. Les sœurs Brontë dans le rôle d'Emily Brontë, Possession dans le rôle d'Anna et Hélène, qui lui a d'ailleurs valu le César de la meilleure actrice. Vue également dans L'été meurtrier dans le rôle d'Eliane Vick, César de la meilleure actrice. Se bouer dans le rôle d'Elena, dans Camille Claudel, dans le rôle de Camille Claudel, qui lui a valu le César de la meilleure actrice. Dans La Reine Margot, dans le rôle de Marguerite de Valois, dit Margot, César de la meilleure actrice également. La journée de la jupe dans le rôle de Sonia Bergerac, César de la meilleure actrice, est vue également dans Sous les jupes des filles. 1966, naissance de Gigi Abrams, cinéaste américain, scénariste du film Armageddon, scénariste et réalisateur de Mission Impossible 3, réalisateur et producteur de Star Trek, Star Trek Into Darkness, producteur de Mission Impossible Protocole Fantôme, Mission Impossible Rogue Nation, Star Trek Sans Limite, Star Wars épisode de 8, Mission Impossible Fallout, qui sortira au mois d'août prochain. Scénariste, réalisateur et producteur de Star Wars épisode 7, de Star Wars épisode 9, sortie prévue pour 2019. À la télévision, créateur, scénariste et réalisateur des séries Felicity alias Lost les Disparus, créateur et scénariste de la série Fringe et producteur de la série What About Brian et Person of Interest. 1975, naissance de Tobey Maguire, acteur américain, vu dans Harry dans tous ses états, connu pour son rôle de Peter Parker alias Spider-Man dans Spider-Man 1, 2 et 3, et vu en 2013 dans Gatsby le Magnifique, dans le rôle de Nick Carraway et également plus récemment dans le film Le Prodige. 1976, naissance de Leigh Nash, chanteuse américaine. 1979, naissance de Benoît Poher, chanteur français du groupe Kyo. 1985, naissance de Svetlana Kuznetsova, joueuse de tennis russe professionnelle depuis 2000. Meilleur classement en simple, la deuxième place atteinte en 2007. Elle a gagné une fois Roland Garros et l'US Open. Quart de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à Wimbledon. En double, elle a été numéro 3 mondiale en 2004. Elle a gagné deux fois l'Open d'Australie, deux fois finaliste à l'US Open, une fois finaliste à Roland Garros et Wimbledon. Et elle a remporté trois Fed Cup avec la Russie. C'était en 2004, 2007 et 2008. C'est également l'année de naissance de Nico Rosberg, ancien pilote de F1 allemand qui a fait carrière de 2006 à 2016. 206 départs, 57 podiums, 23 victoires et champion du monde de F1 en 2016. 1980 87, naissance d'Ed Estwick, acteur britannique, vu dans J. Edgar, Roméo et Juliette en 2013 dans le rôle de Tybalt. Mais on le connaît surtout pour son rôle dans la série Gossip Girl, hein, le rôle de Chuck Bass. 1988, naissance d'Alana Masterson, actrice américaine, vu dans la série télé The Walking Dead dans le rôle de Tara Chandler, Malcolm et Grey's Anatomy. 1989, naissance de Matthew Lewis, acteur anglais connu pour son rôle de Neville Londuba dans la saga des Harry Potter. 1999, naissance de Chandler Riggs, acteur américain connu pour son rôle de Carl Grimes dans la série The Walking Dead. 1996, naissance de Lauren Jarregui, chanteuse américaine du groupe Fifth Harmony, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Work From Home. I worry about nothing, I ain't wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need but you gotta put in work, work, work. Voilà pour l'extrait donc des Fifth Harmony. On continue. 1998, naissance de Jean Rickner Bellegard, footballeur français qui joue depuis 2016 à Lens. En 1996, décédé Albert Broccoli, producteur américain de James Bond 007 contre Dr No, Bon Baiser de Russie, Goldfinger, Opération Tonnerre, On ne vit que deux fois, Service secret de Sa Majesté, Les diamants sont éternels, L'homme au pistolet d'or, L'espion qui m'aimait, Moonraker, Octopussy, Dangereusement vôtre, Tuer n'est pas joué ou encore Permis tuer. Et en 2002, décédé John Entwistle, musicien britannique bassiste du groupe The Who, dont on écoute tout de suite un extrait de leur titre Baba O'Reilly. Voilà pour l'extrait du groupe The Who. Allez, comme tous les mercredis, on parle des sorties cinéma. On commence avec Budapest, comédie de Xavier Jeans avec Manu Payet, Jonathan Cohen ou encore Monsieur Poulpe. Autre film, Tully, drame comédie de Jason Reitman avec Charlize Theron, Mackenzie Davis ou encore Ron Livingstone. Autre film, Les Affamés, comédie de Léa Fredeval avec Louane Emra, François Debloc ou encore Nina Mello. Autre film, Love Simon, un drame comédie de Greg Berlanti avec Nick Robinson, Jennifer Garner ou encore Josh Duhamel. Autre film, Sicario, la guerre des cartels, thriller action de Stefano Solima avec Benicio Del Toro, Josh Brolin ou encore Isabelle Amonner. Et enfin, À deux heures de Paris, comédie de Virginie Verrier avec Erika Sainte, Shirley Bousquet ou encore Fred Testo. Allez, petite pause avec la chanteuse Leg Nash et son titre Along the Wall. If you ask me to come, I'll say Presque 8h50 sur le 107FM, il est l'heure de parler météo. La météo. Et donc ce sera encore une journée ensoleillée hein, comme jusqu'à la fin de la semaine. Aujourd'hui des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 24 et 26 degrés cet après-midi. Pour jeudi des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, 23 et 25 degrés l'après-midi. Pour vendredi entre 15 et 16 degrés le matin et entre 25 et 27 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on parle sport maintenant. Les résultats sportifs. En tennis au tournoi d'Eastbourne, côté messieurs, l'élimination de Gilles Simon en 2-7 face à Maier, 6-4, 7-6, il n'y a plus de Français dans ce tournoi. Et aujourd'hui, Andy Murray essaiera d'avoir sa deuxième victoire. Il affronte Edmund, tête de série numéro 2. Et côté féminin, plus de Françaises non plus en compétition, puisqu'hier, Mladenovic s'est incliné en 2-7 face à Barty, 6-3, 6-2 à Antalya. Aujourd'hui, Manarino affrontera Berankis, Monfils se repose à Kavchich. Et Herbert à Sugita. Allez, on s'envole pour la Russie. Et le match Danemark-France a été long. Ennuyeux, soporifique, on pourrait continuer comme ça, il ne s'est rien passé ou presque rien, match nul, zéro partout, d'ailleurs le premier de cette Coupe du Monde. La France termine première de ce groupe C, deuxième le Danemark. À noter que le Pérou s'est imposé 2-0 face à l'Australie. Et dans le groupe D, alors l'Argentine revient de loin, de très très loin. Ils sont miraculés. Alors je pense qu'ils ont été brûlés un cierge à Lourdes. Ils ont dû faire je ne sais combien de prières. Mais voilà, l'Argentine s'est imposée hier soir 2-1 face au Nigeria. L'Argentine termine donc deuxième de ce groupe D. Et dans l'autre rencontre, la Croatie s'est imposée 2-1 face à l'Islande. La Croatie termine donc première. À un moment, on a cru hein, que ça allait être le Nigeria face à la France. Ou pourquoi pas l'Islande, eh bien non, en huitième de finale, ce sera France-Argentine. Alors là, ça va être du costaud, puisque l'Argentine a l'air de s'être réveillée hein, dans ce troisième match. Donc voilà, on verra bien. Ce sera samedi à 16h si vous voulez déjà mettre une croix dans votre petit calendrier si ce n'est pas déjà fait. Et l'autre de huitième de finale de ce, entre ce groupe C et D, eh bien, ce sera la Croatie hein, face au Danemark. Allez, on parle des matchs d'aujourd'hui à 16h. Ce sera Corée du Sud, Allemagne et Mexique, Suède. Et à 20h, il y aura Serbie, Brésil et Suisse, Costa Rica. Allez, on marque tout de suite notre dernière pause musicale avec le groupe Kyo et leur titre Ton mec. Te fait perdre pied, la tête et les pédales. Ton inconnu est un pavé dans la mare des jours qui passent. De ses lèvres bien ajustées coulent des accents de bibliothèque. À croire qu'il ferait tout ou presque mieux que ton mec. Comme un nouveau lycée, comme le miroir des premières fois. Ton inconnu t'a remarqué dans la couleur de ton choix. Dans les tissus les plus légers, dans ton uniforme de nymphette. Celui qu'il y a quelques années aurait fait chavirer ton mec. Tu abolis les... les privilèges de ton mec. Kyo sur RGM, presque 8h56, point sur ce qui vous attend aujourd'hui. Alors, à 9h, ce sera Regard d'ailleurs, 10h, Les Ados avec l'IME de Saint-Amé, 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou, 14h, Prix Ado de la médiathèque, 16h, l'équipe de 90 minutes pour Boomerang, 18h, l'heure des loups avec Lou, et nous on se retrouve demain matin pour l'avant-dernière avant les vacances. Excellente journée à tous.